Les infanteries de marine américaine et sud-coréenne se livrent aux manœuvres contre le nord depuis la fin du mois de septembre aux îles de Paengnyeong et de Yeonpyeong, point le plus chaud de la mer de l'ouest de Corée. Arrivé en Corée du Sud, le 3e corps mobile d'infanterie de marine américaine a formé une unité combinée avec la 6e brigade d'infanterie de marine sud-coréenne avant de s'engager dans les exercices tactiques de guidage d'avions et d'autres visant notre République. Ce corps américain stationné à Okinawa du Japon et à être envoyé le premier en Corée du Sud en cas de guerre dans la péninsule coréenne suivant le plan opérationnel 5027, plan de guerre contre le Nord.